Le 15 avril, le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a visité le Palais du Soleil de Kumsusan à l'occasion de la Journée du Soleil et rendu l'hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Il a été accompagné de Kim Yong-nam, Fang Byung-sun, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et d'autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, des cadres des organismes du parti, des forces armées, du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux. Le dirigeant suprême est entré dans le hall où se trouvent les statues en pied du président et du général. Devant les statues est déposée la corbeille de fleurs au nom du camarade Kim Jong-un. Sont déposées ensuite les corbeilles de fleurs au nom commun du comité central et de la commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée, du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et au nom commun du présidium de l'Assemblée populaire suprême et du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée. Avec les cadres, le dirigeant suprême s'est incliné devant les statues. Le dirigeant suprême est entré dans le hall où est conservé le corps embaumé du président. Il s'est incliné avec le plus grand respect. Il a fait le tour des salles de conservation des ordres du président, du wagon et de la voiture utilisés par le président. Le dirigeant suprême est entré dans le hall où se trouve le corps embaumé du général. Il s'est incliné avec le plus grand respect. Il a fait le tour des salles de conservation des ordres du général, de la voiture, de l'auto électrique, du bateau et du wagon utilisés par le général.